Ici Sylvie Martin. Vous écoutez le podcast du volet audio des éditions de l'Avenir. Bonjour et bienvenue en ce 5 février 2010 au podcast du volet audio des éditions de l'Avenir. Christian Martin au microphone. Merci à Sylvie pour la petite intro. Vous l'aurez peut-être deviné, Sylvie est ma petite sœur. Je la connais donc depuis... Non, je ne donnerai pas le nombre d'années, rassure-toi, vie. Vous avez entendu Sylvie dans Château de Sable de Mario Fecteau et nous préparons un petit projet dans lequel j'ai bien l'intention de la faire intervenir. Je rappelle qu'avec cette 11e émission, le podcast n'est plus diffusé sur Gcast pour la simple et bonne raison que Gcast n'accepte plus de uploads depuis le 1er février dernier. Vous retrouverez donc cette 11e émission uniquement sur Podomatic. Parlant de Podomatic, nous approchons rapidement de la limite de stockage que nous impose le service gratuit. Voici ce que je prévois de faire quand ça se produira. Au moment d'atteindre la limite de stockage de Podomatic, je commencerai à effacer les premières émissions et les placerai en archive sur archive.org avec un lien sur le site du podcast et un sur notre blog, afin que tous ceux qui nous découvrent en route et qui veulent les récupérer puissent le faire facilement par téléchargement direct. Nous n'en sommes pas encore là toutefois. Donc, pour l'instant, et pour les 3 ou 4 prochaines émissions, toutes sont encore présentes sur Podomatic. En ce qui concerne les nouveautés audio hebdomadaires du blog, vous avez eu les chapitres 18 et 19 de notre mini-production de Rouletabille hier. Les chapitres 20 et 21 sont prévus pour jeudi prochain, soit le 11 février, et on vous offrira la deuxième partie de la pièce audiophonique, l'affaire Blaireau, le 18 février. Nous aurons ensuite 3 nouvelles semaines de Rouletabille, puis la troisième partie de l'affaire Blaireau. Par ailleurs, j'ai mis en marche le processus pour un nouveau projet, soit la troisième aventure de Mazas Pavel. J'ai commencé à tâter le pot auprès des interprètes dont les personnages reviennent, et j'ai le plaisir de vous annoncer que K00 a annoncé son retour dans le rôle de Mazas. Il en va de même pour Fred dans le rôle d'Atlan et Dezwa dans le rôle de l'émir. Oh, je viens d'apprendre que Kael revient pour Corton et Kaleg Voram, et que Christophe prêtera pour une troisième fois sa voix à Steve. Par ailleurs, Claude Kovofarki a accepté d'incarner la mère de Mazas. Je vous tiendrai au courant des développements. Si certains d'entre vous ont envie de prêter leur voix à un personnage de cette aventure, faites-moi signe via notre blog à l'avenir-audio.canalblog.com. On cherche toujours des voix masculines pour les nombreux personnages masculins des aventures de Mazas. Passons maintenant à l'objet de cette émission. Cette semaine, vous entendrez la 5e partie de la première aventure de Mazas Pavel dans Dreborry. La dernière fois, nous avons laissé Mazas dans un bien mauvais pas. Dans les forêts de Lupus IV, blessée après avoir été attaquée par une meute de Lycos, elle tentait de rejoindre tant bien que mal le petit vaisseau de Steve. Pendant ce temps, ce dernier et les 2 ex-prisonniers dont il avait la charge avaient déjoué l'attention d'une patrouille lancée à leur trousse et étaient parvenus au cœur de Fomalo, au grand soulagement de Corton, qui désespérait de les voir revenir. S'inquiétant de l'absence de Mazas, Steve lui expliqua qu'il avait un plan pour venir en aide à la jeune femme. Et maintenant, la suite de Mazas Pavel, agent de l'OMU. Les éditions de l'Avenir présentent Agent de l'OMU, une aventure de Mazas Pavel, roman fanique d'André Bory, paru à l'origine dans la Gazette de Terrania et Basis hors série, numéro 4. Chapitre 2, 5e partie.